C'est drôle, on dirait qu'à Québec, on est isolé de ça. Et je suis très heureux, très fier du message lancé par les policiers depuis le début de la crise étudiante. Et encore plus fier du message qui a été lancé hier, alors qu'on a arrêté et tie-rappé un député élu oui. qui a voulu venir nous montrer comment ça marchait les affaires à Québec. Amir Kadir qui a été arrêté hier soir à Québec dans une manifestation illégale. Puis les photos, là, vois-tu, t'as des photos partout ce matin de ça, dans les journaux, sur Internet. La photo d'Amir Kadir debout dans un autobus du RTC avec un tie-wrap puis les mains attachées en arrière du dos, là, ça veut dire bienvenue aux touristes. Ça veut dire bienvenue à tout le monde, bienvenue aux gens qui veulent venir à Québec. Nous prenons nos responsabilités. Même un député élu, même un co-chef de parti qui décide de participer à une manif illégale, il passera pas à côté, il va être arrêté, puis il va recevoir un ticket. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Et ça illustre une ville qui prend ses responsabilités et qui prend pour les citoyens ordinaires comme vous et moi, au lieu de prendre pour une petite minorité d'extrémistes anticapitalistes. La tyrannie des minorités, ça marche peut-être à Montréal. Un endroit où tu dois laisser tes testicules de l'autre bord du pont, si tu veux rentrer. Ça a l'air, c'est de même pour le maire, c'est de même pour les policiers, c'est de même pour tout le monde à Montréal. Tu veux rentrer? Laisse tes couilles à l'entrée. Bravo au policier qui a attaché Amir Kadir, qui a attaché les mains avec les tie wraps. Celui-là, on peut-tu donner une médaille? toi, tu donnes des médailles souvent, oui, je trouve. Oui, oui, hein. Ben, j'en donne beaucoup. Des médailles à Jérôme. Ben, je t'en ai d'être tout le temps négatif. T'sais, on peut-tu souligner les bons coups qui sont faits dans la société?